بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا تكرار، لماذا؟ يعني c'est une forme de répétition dans ce verset de sourate al-Kafirun ou al-Kafirin. Ou hein? Pour affirmer, pour yani confirmer ce jugement. Naam. C'est ce qui, yani, certains ulémas ont dit cette parole là. Lakin qulna Cheikh Al-Uthaymeen ma la ilaha hadha al-qawl. Cheikh Al-Uthaymeen, il voit que c'est pas une parole juste, c'est pas la parole juste. C'est aussi pour montrer qu'il n'agirait pas à ce qu'ils adorent. Naam, al-ayat الأولى فيما في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عبادته ليست كعبادتهم. Les deux premiers versets, c'est pour affirmer comme quoi l'adoration du prophète, elle n'est pas comme l'adoration des mouchriquins. Et les deux versets d'après, c'est pour affirmer comme quoi que le prophète صلى الله عليه وسلم et tous ceux qui suivent sa voie, ils n'agréent pas autre adoration que Allah عز وجل. Et vous, les kuffars, vous n'agréez pas une autre adoration que l'adoration dans laquelle vous êtes. Et certains avaient dit quoi? Certains savants, ils avaient dit par rapport à que ça montrait qu'après ça, personne ne rentrerait. Naam, ça a été réfuté parce que les mouchriquins, ils ont attesté. Naam. C'est-à-dire que certains savants ont interprété cette répétition en disant que les premiers versets concernaient, c'est-à-dire à l'heure actuelle, je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'adorez pas ce que j'adore à l'heure actuelle. Et les deuxièmes, et moi je n'adorerai pas ce que vous adorez, et vous n'adorerez pas ce que j'adore. يعني في المستقبل. وهذا رد عليه بمعنى يعني رد عليه أن هذا يعني c'est munkar, c'est-à-dire le fait que yani on dise que c'est pour qu'ils n'adoreront pas Allah subhanahu wa ta'ala fi le mustaqbal hada fala, puisqu'il y a des gens de Quraysh qui ont adoré Allah azza wa jal, bien que quand ces versets sont descendus ils étaient mécréants, et fi le mustaqbal ils ont adoré Allah azza wa jal comme Omar ibn Khattab wa Khalid ibn al-Walid. Na'am, ahsantum. طيب إذن وصلنا عند يعني وعدتكم أننا سنقرأ في شرح العثيمين على سورة الفيل. طيب سورة الفيل مدنية ولا مكية ولا مكية؟ بلا خلاف. طيب ما هي السورة المدنية بلا خلاف التي مرت بنا؟ وعليكم السلام. المساد؟ مدنية. عليك السلام. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الناس. يعني. هذا عثمان يقول يعني السورة التي ليس هناك خلاف أنها مدنية هي ماذا؟ سورة الفلق وسورة الناس. وقد مر بنا أن هناك خلاف، اختلفوا. طيب ما هي السورة التي مرت بنا إلى الآن وهي مدنية بلا خلاف؟ سورة النصر. أحسنت يا عيسى. نعم أحسنت يا عيسى. نعم الله يبارك فيك. نعم، فسورة الفيل هذه ماذا قلنا؟ مكية بلا خلاف. نعم. طيب قال الشيخ العثيمين قال وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذين جاءوا لهدم الكعبة بفيل عظيم أرسله إليهم ملك الحبشة. نعم، donc les gens de يعني أصحاب الفيل comme on l'a évoqué hier, des gens qui sont venus du Yémen lorsque le Yémen était de confession chrétienne. نعم نصارى. نعم طيب وسبب ذلك أن ملك اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة بيت الله عز وجل فبنى بيتا يشبه الكعبة. Donc la cause de cela, c'est-à-dire la cause pourquoi ces gens ils ont voulu détruire la Kaaba, parce qu'en fait le roi du Yémen à cette époque il a voulu empêcher les gens de faire le pèlerinage à la maison sacrée qui est la Kaaba. Donc il a construit une maison qui ressemble à la Kaaba في اليمن. ما أدري هل هي في صنعاء أو في أي مكان من يعني ما أدري. المهم في اليمن. Il a construit une maison au Yémen et il a appelé les gens à s'y rendre comme le pèlerinage qu'ils peuvent faire à la Mecque. نعم. قال ودع الناس إلى حجه ليسدهم عن حج بيت الله. نعم عن حج بيت الله فغضب لذلك العرب. Et donc les Arabes, c'est-à-dire ceux qui vivaient à la Mecque, lorsqu'ils ont entendu ça, ils se sont énervés. وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلا عن الكعبة وتغوط فيه. Donc comme on l'a évoqué hier, un homme parmi les Arabes de la Mecque est parti à cet endroit, cette maison qui a été construite pour y faire le pèlerinage, et il est rentré à l'intérieur de cette maison et il a fait ses besoins. Et donc il a étalé ses excréments sur les murs de cette maison. فغضب ملك اليمن غضبا شديدا. Et donc c'est pourquoi le roi du Yémen il s'est énervé d'une grande colère. واخبر ملك الحبشه بذلك فارسل اليه هذا الفيل العظيم. Et donc le roi du Yémen il a informé le roi du Habasha. كلا البلدين نصرانيان. Donc les deux. تفضل. C'était deux pays à l'époque qui étaient des pays chrétiens. Donc le roi de l'Abyssinie, c'est-à-dire l'Éthiopie actuelle, il a envoyé au roi du Yémen un énorme éléphant avec Rubama, des gens et des soldats. Avec des soldats, naam. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ هَذَا الْفِيلَ الْعَظِيمِ قيل وكان معه ستة فيلة. Bon, et il a été dit que avec ce grand téléphone énorme, il y en avait six autres. نعم. فجاء ملك اليمن بجنوده ليهدم الكعبة على زعمهم. Donc il est arrivé pour détruire la Kaaba comme il a pensé. ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ بيته. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui protège sa maison. فَلَمَّا وَصَلُوا إِلَى مَكَانِ يُسَمَّى الْمُغَمَّسِ وَقَفَ الْفِيلُ وَحَرَنْ. C'est-à-dire, il s'est affaissé. Le fil, l'éléphant, une fois qu'ils sont arrivés dans un endroit qui s'appelle Mughammas. Mughammas, fi ay makan fi Makkah. يا يزيد من قد حج؟ مغمس هو مكان قريب من منى، هو الفرق يعني يعني الموضع الذي يفرق بين منى وبين عرفات ومزدلفة. إيه نعم. طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر في هذا المكان يسرع، إذا مر في هذا المكان يسرع. Et le prophète صلى الله عليه وسلم il avait pour habitude de s'il passait par cet endroit de passer rapidement, d'y passer rapidement. نعم. طيب. Donc une fois que l'éléphant il est arrivé à cet endroit-là, il s'est affaissé et il ne pouvait plus avancer. وَأَبَا أَنْ يَتَّجِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ فَزَجَرَهُ سِيَاسُهُ وَلَكِنْ أَبَا. Donc, à chaque fois qu'on lui indiquait d'avancer vers la Kaaba, il refusait. Jusqu'à celui qui le dressait, c'est-à-dire il le frappait ou le blâmait pour qu'il avance, mais rien à faire. L'éléphant ne voulait pas avancer son chemin en direction de la Kaaba. فَإِذَا وَجَّهُ إِلَى الْيَمَنِ انْطَلَقَ يُهَرْوِلْ. Et lorsque on le dirigeait vers le Yémen, c'est-à-dire l'éléphant, c'est là qu'il commençait à courir et avancer, quoi. نعم. وَإِذَا وَجَّهُ إِلَى مَكَّةِ وَقَفْ. Et lorsqu'on le remettait vers Mecca, il s'arrêtait d'avancer. وَهَذِي آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ إِيُّ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَهَذَا فِيلَةٌ كَبِيرَةٌ على ضخامتها الله سبحانه وتعالى يقول لها كن فيكون وخلاص ما تتقدم وهذا يعني مثل هذه القصة تسبب ماذا قوة الاعتماد على الله عز وجل حتى وإن كنت أمام يعني حيوان مفترس هو مأمور من عند الله عز وجل جاء ذكروا في قصة أحد كفار قريش أنه بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه يعني يا دي كفار دي قريش كي avait insulté le prophète صلى الله عليه وسلم et qui lui avait craché au visage et le prophète صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك يعني envoie-lui un de tes chiens. Yani un chien parmi tes chiens. Fa safar dak al kafir. Donc ce mécréant est sorti de la Mecque pour faire un quelconque voyage ou un quelconque commerce. Arrivé dans un endroit et lui depuis qu'il avait entendu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yakhaf an taqa. Fa wasalu fi mantaqa yakthuru fihi Al-Usud. Ils sont arrivés dans un endroit où qui était fréquenté par les lions. Fa waqafu wa nam. Donc il s'est installé le temps de passer la nuit et il a commencé à dormir. Fa jaa asadun dakhmun min 'indillahi 'azza wa jalla. Wa yashum kull wahid 'ala hida. حتى يصل إلى هذا الخبيث فأكله وقتله وقبل أن يقتله هذا قال والله إني كنت عارفا أنه سيحصل أو أن دعوة ابن أبي كبشة يعني كما كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم يعني حق et donc cet homme là quand il a vu le lion il a su que il savait déjà que la da'wa du prophète صلى الله عليه وسلم allait se réaliser sur lui. Le lion, il a mangé. الشاهد أن يعني ما من شيء في هذه الدنيا إلا وهو عبد لله عز وجل وهو الذي يديره. C'est lui qui le commande. يعني حتى البشر. جاء قصة نسيت في أي غزوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان راقدا فالتف احد المنافقين او احد الكفار بدون أن ينظر بدون أن يعرف الجيش الإسلامي بوجوده حتى تسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc jusqu'à ce qu'il est arrivé proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a réussi à prendre l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lorsqu'il a pris l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il s'est réveillé sans arme. Amam hadha ar-rajul. L'homme il tient l'arme, il dit Man ya'simuka minni. Qui te protège de moi? Al-an. Tkhayyalou. هو يعني بدون شيء وهذا أمامه جاهز ليقتله ليقضي عنه يعني c'est-à-dire le prophète صلى الله عليه وسلم était dans un hal, il pouvait plus rien faire et lui il est devant lui et il est prêt à lui donner le coup de grâce. Il dit من يعصمك عني وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله نعم الله فلما قال الله سقط السيف من يد من يد الكافر وأخذه رسول الله فقال من يعصمك عني عرفت فقال أشهد أن لا إله إلا الله فتاب وأسلم مباشرة عرف أن هذا ما يصدر إلا بتقدير من الله عز وجل وبقوة يعني منه فآمن بالله et donc lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit Allah me protège de toi. L'épée, elle est tombée de sa main. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris l'épée et lui a redit, alors et toi, qui te protège de moi, Al-An? Et c'est là que ce kafir, qui était kafir à l'époque, a fait l'attestation de foi et est rentré dans l'islam. Naam. Fa'adha, mithla hadhi al-qisas tusabbib fi, yani, shiddat wa quwwat al-i'timad ala Allahi azza wa jal, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. نعم فالإنسان ما يلتفت إلى الأسباب فحسب صح أن ترك الأسباب يعني مذموم وما يفعل ذلك إلا الصوفية والضلال c'est vrai que le fait de délaisser les causes c'est blâmable لكن اعتماد على الأسباب شرك le fait de se reposer sur les causes c'est du shirk نعم بل الاعتماد كله في من أو على من على الله عز وجل نعم على الله عز وجل فإذا تريد تتقدم إلى الزواج فلا تنظر إلى ما جمعت من المال حتى لا استخير الله وتوكل على الله عز وجل لا تتوكل على فلان ولا علان تريد ماذا تريد الذهاب من هذا البلد لا تركن على المال ولا تركن على بيت فلان أو علان لكن اركن على الله عز وجل وتوكل عليه فهو الذي قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي نعم celui qui place sa confiance en Allah Allah il lui suffit نعم طيب فقال مع ذلك نعم وهذه آية من آيات الله عز وجل ثم بقوا حتى أرسل الله عليهم طيرا أبابيل وأبابيل ما معنى؟ جماعات متفرقة جماعات متفرقة نعم قال ثم بقوا حتى أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل قال العلماء طيرا أبابيل أي جماعات متفرقة donc أبابيل comme on a vu c'est des groupes divisés d'oiseaux نعم كل طير في منقاره حجر صلب et chaque oiseau il a dans son sur son dos une pierre très dure من سجيل وهو الطين المشوي c'est-à-dire la c'est de un tin al-mashwi Ouais, de la pâte, de la terre mâchée, ou yani, okay. De l'argile, comment tu dis? Mâchoui, c'est comme mâcher de la pâte, yani. Mâchoui, ou Robama. ينظر ما نظرت في مشوي يعني ربما أصلا نحن بماذا فسره شيخ أبي عمرو سجيل الحجر المحروقة دونك سابيت دو سا كم تدير بغيلي لاتين نعم ان كومبستيون بادير نعم طيب لأنه يكون أصلب وهذا الحجر ليس كبيرا هذه فائدة شغل يتمين يديك cette pierre elle est pas elle était pas grosse ces pierres qu'ils avaient ces oiseaux elles étaient pas grosses بل هو صغير c'est une petite pierre يضرب الواحد من هؤلاء مع رأسه ويخرج من دبره c'est-à-dire que la pierre elle vient elle descend sur un de ces criminels elle les frappe sur leur visage et elle ressort par leur derrière. Naam. Voilà. Min adabillahi azza wa jalla haoulaï al-khubatha. Naam. Naam. Qala faja'alahum ka'asfin ma'koul, ay kazar'in akalathu al-dawab wa wat'athu bi'aqdamiha hatta tafattatat. نعم طيب donc يعني la fin du verset c'est-à-dire que il les a rendus comme de la يعني comme un champ dévasté par les bêtes et piétiné par les sabots par ces mêmes bêtes jusqu'à ce que Yani, ce champ a été vraiment divisé, tafattat, déchiqueté. Naam. Enfin, c'est un exemple pour dire comment yani, Allah subhanahu wa ta'ala a laissé ces gens-là. Ba'da an kanu ashidda. Après qu'ils étaient d'une puissance énorme. Parce qu'ils sont arrivés avec un djesh, la qibalala, qui n'avait pas de. C'est-à-dire, il était tellement nombreux. Qu'il n'y avait pas de. Comme si tu voyais qu'il n'avait pas de faim. Ils sont arrivés avec une puissance énorme. Jusqu'à, comme on vous a dit, l'Arab min Mecca, kharajou min Mecca. Ils sont sortis de Mecca lorsqu'ils ont entendu qu'ils approchaient. Min shiddat il-khawf. Wa ma'a dhalika, Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala kaydahum fi nuhurim. Allah subhanahu wa ta'ala, il a renvoyé leur ruse. Fali hadha l'insan ma, hatta wa in taraw. ضعف المسلمين وشدة الفتن في بلدانهم لا تقلقوا هذا وعد من الله عز وجل أنه يجعل العاقبة للمتقين لا غير فليس العاقبة لكافر بتاتا بل العاقبة للمتقين المسلمين المؤمنين نعم donc celui c'est يعني faut pas que la personne lorsqu'elle voit la situation des musulmans dans le monde entier, qu'elle s'effondre dans la tristesse. صح أن هذا محزن. C'est sûr que c'est triste de voir يعني حالة الأمة إلى هذا المستوى إلى هذه المستوى. لكن نحن نؤمن بالله ونحسن الظن به et on pense du bien d'Allah عز وجل comme il nous l'a promis, comme quoi la fin, la bonne fin, la bonne heureuse fin, elle est pour les متقين. الشام بلاد الشام ما هي أول مرة تصيب بهذه المصائب بلاد الشام كان في زمن شيخ الإسلام من نزل فيها ما نزل فيها التتار وما يدرك من التتار التتار يعني قتلوا المسلمين قتالا حتى تدخل المرأة منهم وأهل البيت وأهله وأولاده في البيت وهذه تدخل تقتل الزوج والزوجة وتفتح بطن الزوجة إذا كانت حامل تخرج الولد تقتله امرأة. انظروا إلى شدة الذل الذي كانوا عليه المسلمين في تلك الأزمنة. Le pays du Cham, hein, c'est pas la première fois qu'ils sont touchés par de telles épreuves. Autant chez l'islam, c'était l'époque des, c'était l'épreuve des Tatars. Et les Tatars, ils sont arrivés en Irak, ils ont tué plus de 1 million de personnes. Plus de 1 million de personnes, jusqu'à ce qu'ils les ont jetés dans le fleuve, c'est quel fleuve ? L'Euphrate. Ils les ont jetés dans l'Euphrate, jusqu'à le fleuve, il a changé de couleur. Il est devenu rouge. Puis ça veut dire que les et ils ont brûlé on ne sait combien de livres, des millions et des millions de livres. Qui représentaient vraiment des trésors de science. Aujourd'hui, on a le Sahih al-Bukhari de Ibn Rajab. Tu ne le trouveras pas complet. Kam min kutub ahraquha wa ramouha fil bahr. Naam. C'était une époque où vraiment les musulmans ils étaient dans un ville ajib. Jusqu'à la femme tatar, elle allait dans la maison du musulman, elle pouvait tuer le musulman avec sa femme si elle est enceinte. Elle lui ouvre le ventre, elle sort son embryon, elle sort son enfant de son ventre, elle le tue et elle tue tout le monde dans la maison. Ça veut dire l'homme il ne va même pas se défendre devant une femme, tellement il est dans un khauf, il va la laisser la tuer. Il est quand elle a هذا المبدا. وهذا مذكور في كتب التواريخ. C'est un truc qui s'est vraiment passé. حصلت. لكن كيف كانت نهاية المطاف؟ لما جاء هذا الشيخ العظيم شيخ الإسلام ويعني علم الناس العقيدة الصحيحة وأن الدين يعني الله سبحانه وتعالى يدافع عنه وأن العاقبة للمتقين تشجع العرب. خلاص les Arabes sont redevenus يعني courageux lorsque l'un d'entre eux هو الإمام أحمد. نعم الإمام أحمد شيخ الإسلام لأنه اسمه أحمد وهو إمام. نعم شيخ الإسلام ابن تيمية lorsqu'il les a appelés à revenir à leur religion فقبلوا هذه الدعوة المباركة وردوا بعد ذلك التتار إلى أقصى الأماكن. فهمتم؟ وبلاد الشام هذا التتار سيستي لستوغ دي التتار وإلا من قبل كانت الصليبيين لي كروزي ريغاردي لي كروزات سون باسي كذلك في سوريا وفي قتال شديد. فما هو أول مرة حتى يعني خلاص يعني ماذا jusqu'à ce qu'on s'effondre dans la tristesse ولا كذا. لا بل الحزن الشديد يسبب الضعف ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. Ne vous attristez pas, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs. في الحقيقة هذا الدين عظيم العزة كلها والمجد كله في هذا الدين لا غير. Donc la fierté, le prestige, l'honorabilité, elle se trouve dans cette religion et non pas dans une autre. فالحمدلله على ما قدر ونسأل الله أن يفرج عن المسلمين في جميع الأمكنة. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala y facilite et il apaise les souffrances des croyants dans toute la planète. نعم. قال في الأخير وهذا مجمل هذه السورة العظيمة التي بين الله سبحانه وتعالى فيها ما فعل بأصحاب الفيل وأن كيدهم صار في نحورهم. انظروا ها شغلة منه. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il a expliqué dans cette sourate ce qu'il a fait des gens de l'éléphant et qu'il a renvoyé leur ruse dans leur gorge. في نحورهم. Et il a renvoyé leur ruse contre eux-mêmes. وهكذا كل من أراد الحق بسوء فإن الله تعالى يجعل كيده في نحره. وهذه فائدة. كل مبطل لا بد أن يعني باطله ترد على رأسه. نعم. Et donc ça c'est une فائدة. C'est-à-dire Cheikh Al-Uthaymeen dit et ceci est valable pour toute personne qui veut faire du tort à la vérité. Qui veut faire du tort à la vérité wa ahli. Allah subhanahu wa ta'ala, il mettra sa ruse contre lui-même. Il renverra sa ruse contre lui-même. وقد حمى الله عز وجل الكعبة عن هذا الفيل مع أنه في آخر الزمن سوف يسلط عليها رجل من الحبشة يهدمها حجرا حجرا حتى تتساوى بالأرض لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. Donc là, ça aussi c'est une faïda. Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé Mecca. Pourquoi il l'a préservé là? Et à la fin des temps, il va la laisser partir. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, c'était les prémices de la da'wah de qui? Du prophète, alayhi salatu wa salam. كَانَّهُ مَهَدَ لَهُ الطَّرِيقِ مَهَدَ لَهُ يَعْنِي الطَّرِيقِ. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala lui a préparé le terrain. Et il a protégé cet endroit de manière à ce que يَخْرُجُ مِنْهَا أُنَاسٌ يَعْبُدُونَ اللَّهِ وَيَنْشُرُونَ العلم والدين إلى أقصى البلدان إلى أقصى البلدان نعم وقد حصل نعم تديك في à la fin des temps خلاص ما يحتاج الناس في ماذا في فساد في ظلم وعدوان وفواحش خلاص ما بقي يعني كثير حاجة إلى أن تكون الكعبة موجودة نعم ولهذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى أنه قال استفيدوا من هذا البيت قبل أن يرفع طوفوا بهذا البيت قبل أن ترفع أو قبل أن يرفع profitez de cette maison avant que elle soit rappelée avant qu'elle parte elle disparaisse ou faites le tour, les tawaf de cette maison avant qu'elle parte. Naam. Wa min hadha kadhalik an nastafid 'idham al-'inaya bi hadha al-bayt. حيث أن الله سبحانه وتعالى اعتنى بها فعلى المسلم أن يعتنوا بها. Donc, on prend aussi qu'il est important d'avoir une attention particulière pour cet endroit qu'Allah subhanahu wa ta'ala à préserver. نعم. قال وأما في آخر الزمن فإن أهل البيت إذا أهانوه. فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا فيه بإلحاد بظلم ولم يعرفوا قدره. حينئذ يسلط الله عليهم من يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض. Donc lorsque les gens ils vont plus respecter cette bête, c'est-à-dire les gens de Mecca, ils vont plus respecter cette maison sacrée et ils vont plus lui donner sa valeur. Et ils vont humilier, c'est-à-dire ceux qui la respectent et tout ce qui va dans ce sens. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va susciter cette personne qui va venir la détruire pierre par pierre et qui va sortir ses trésors. وَهَذَا رَجُلٌ مِنْ أَيْنْ مِنَ الْحَبَشَ نَعَمْ وَمَا صِفَتُهُ أيوة نعم ذو سويقتين أي نعم celui qui a deux jambes fines. نعم. طيب ولهذا يجب قال شيخ العثيمين ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من المعصية من المعاصي والذنوب والكبائر لئلا يهينوا الكعبة فيذلهم الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يحمي ديننا وبيته الحرام من كيد كل كائد إنه على كل شيء قدير. Donc Cheikh Al-Uthaymeen il termine par ces paroles en disant c'est un conseil pour surtout en particulier pour Ahl Makkah qu'il s'efforce de ne pas commettre de péché et de ne pas se laisser aller à faire des péchés à la Kaaba. Car de par cela, ils humilieront la Kaaba. Et s'ils humilient la Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala, ça, yudhillahumullah. C'est, il va les rabaisser d'un rabaissement azim. Na'am. Wa nasallallah an yastajib hadhihi ad-da'wa. Et on demande à Allah qu'il accepte cette dua que le Cheikh Al-Uthaymeen a fait. Parce que, fi'lan, كل من عاش في مكة أو ذهب حتى للحج وللعمرة يلاحظ كثرة المعاصي في وسط الحرم المكي وهذا مخيف. نعم. Donc celui qui a eu l'occasion de partir à la Mecque et de soit faire le Hajj ou la Umra, il va constater effectivement que les gens ou une grande partie des gens sont dans une insouciance au niveau des péchés. Et qu'ils commettent des péchés fi wasat al-haram. Marra kunna natouf ana wa wahid britani wa natouf. Wa huwa yaqul subhanallah, hadhihi al-mar'a tatakallam ma'a hadha. Wa hadha kanna huwa ma huwa zawjuha. Ma huwa zawjuha. Wa tilka al-mar'a tamassuhu kadha. Araft? Fa wajad, on a trouvé un frère, on faisait tawaf et on a trouvé une personne. Moi, j'ai pas fait attention. Je pensais que c'est quelqu'un avec sa femme ou quoi. Lakin, le frère qui était avec moi, comme il parlait l'anglais et il les entendait parler, il a compris que c'était pas l'époux de cette femme. C'était un étranger pour cette femme. Et on voyait la femme, elle le tenait comme ça. Elle le tenait comme ça pour qu'il la guide, en gros, dans son tawa. Et subhanallah, lama masakna l'akh, qulna la... مالك أنت زوجها ولا أخوها ولا قال لا لا ما أعرفها إنما هذه ضالت ما تدري أين تمشي فأنا أعينها elle s'est perdue je sais pas elle sait pas où aller donc moi je l'aide قلنا طيب يا أخي لكن أنت في عبادة لا تي dans une adoration هل هذه تمسك هكذا كأنها زوجتك وهذا ما يجوز عرفتم وفي التواف على سبيل الفائدة يجوز لك أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم وكذلك ما يحصل له ما يحصل هناك من التصوير تجد الواحد يأتي يطوف ويصور نفسه والشيخ الشيخ الشيخ ابن باز يقول هذا شرك يقول هذا رياء هذا رياء ça c'est de l'ostentation pure. Juste, tu prends une photo عند الكعبة, Cheikh Ibn Baz, il dit, هذا رياء. C'est l'ostentation. ولما تفكر, parce qu'après, il explique, il te dit, لماذا هو أخذ هذه الصورة أمام الكعبة? ليري للناس أنه صالح. أنه رجل وفق لمجيء إلى الكعبة. وإلى مثل ذلك. Donc, Cheikh Ibn Baz, il voit que c'est de l'ostentation. Pourquoi? Parce que la personne, elle a fait ça pour montrer aux gens que c'est un homme pieux. Ou que c'est qu'il a été, qu'on lui a accordé le bienfait d'être à la Kaaba ou quoi. Hatta ba'dahum, il a dit, sawwarni wa yaftah al mushaf wa yaf'al kannahu yani khashi'. Comme s'il était en train de craindre Allah Azza wa Jalla et de lire une récitation ajiba. Kadhabun. Fahamt? فهمتم فكل هذه من المعاصي والكبائر التي يجب اجتنابها وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك